Dis-moi tout, troisième niveau. Documents oraux. Centre vert. Leçon 1. Activité 2. Les photos de voyage de Berlingot et de Clafoutis. Oh les amis, nos photos sont très belles. Regardez la photo numéro 1. C'est un drôle de poisson, n'est-ce pas? Il a des piquants partout. C'est un poisson porc-épic. Il ne faut pas le toucher. Regardez maintenant la photo numéro 2. C'est une étoile de mer. Elle est belle. J'aime beaucoup sa couleur rouge. Et vous? Et ici, à la photo numéro 3, qu'est-ce que c'est? Vous avez déjà vu un animal comme ça? C'est une grosse baleine. Il ne faut pas avoir peur de la baleine. Une baleine, ce n'est pas méchant. Oh, c'est magnifique! À la photo numéro 4, c'est du corail. Vous avez vu? Ça ressemble à un arbre. N'est-ce pas, les amis, qu'elles sont belles, nos photos? Leçon 2. Activité 2. La mer. La mer est bleue. La mer est verte. Quand elle est grise, c'est la tempête. Dans le nord, la mer est froide. Mais on y pêche de beaux poissons. Dans le sud, la mer est chaude. On s'y baigne et c'est si bon. J'aime la mer et ses bateaux, ses grands voiliers et ses oiseaux. J'aime la mer quand il fait beau. J'aime la mer. Elle est si belle. Leçon 4. Activité 2. Partons, la mer est belle. Partons, la mer est belle, embarquons-nous, pêcheurs. Guidons notre nacelle, ramons avec ardeur. Au mât hissons les voiles, le ciel est pur et beau. Je vois briller l'étoile qui guide les matelots. Amis, partons sans bruit, la pêche sera bonne. La lune qui rayonne éclairera la nuit. Il faut qu'avant l'aurore, nous soyons de retour pour sommeiller encore avant qu'il soit grand jour. Partons, la mer est belle, embarquons-nous, pêcheurs. Guidons notre nacelle, ramons avec ardeur. Au mât hissons les voiles, le ciel est pur et beau. Je vois briller l'étoile qui guide les matelots. Leçon 5. Activité 1. L'étrange rencontre. Un jour, Clafoutis et moi, nous étions sur le voilier Clomard. Il faisait très beau. La mer était calme. Tout à coup, on a entendu des bruits bizarres, des sifflements. On est monté sur le pont. Qu'est-ce qu'on a vu? Une grosse baleine grise qui sautait et tournait autour du bateau. Mais qu'est-ce qu'elle voulait? On a regardé à gauche, puis à droite. On n'a rien vu. La mer était toujours calme. Tout à coup, le bateau a été soulevé par d'énormes vagues de 15 mètres de haut. Mais que s'est-il passé? Nous avons regardé autour de nous et deviné ce qu'on a vu. Ah! Un monstre énorme! J'ai eu très peur. Oui, un monstre qui ressemble à un dragon. Moi aussi, j'ai eu très, très peur. Dis, Berlingot, est-ce que ce serait le monstre du Loch Ness? Leçon 5, activité 3. Ce monstre, quelle horreur! Quelle douleur que de voir une telle horreur! Oh, quelle horreur que de sentir cette odeur! Quelle horreur! Quelle odeur! J'ai mal au cœur! Vite, vite, le docteur! Je meurs! Leçon 7, activité 1. Les pirates de mer. Clafoutis a fait un rêve extraordinaire. Sur un navire de corsaires avec des pirates de mer. Ils étaient comme des requins avec des visages humains. Ils n'avaient pas d'autre choix que d'obéir à leur roi. Elle avait une telle frousse du capitaine Barberousse, l'œil caché par un bandeau et portant un grand chapeau. Au plus haut mât du bateau qui s'enfonçait dans les flots, elle vit un pavillon noir agiter une tête de mort. Ils débarquèrent en cachette sur une petite île déserte pour y chercher des pièces d'or, des bijoux et des trésors. Soudain, un immense galion lança un boulet de canon et réveilla Clafoutis, terrorisé dans son lit. Leçon 7, activité 2. Sur la piste des pirates. Madra était une femme pirate. Elle portait toujours un foulard à pois sur la tête, une blouse avec de la dentelle, un pantalon corsaire et des bottes noires. Elle voyageait beaucoup. Elle voyageait sur toutes les mers du monde. Mais qu'est-ce qu'elle cherchait? Elle cherchait un trésor. Oui, un trésor. Un jour, elle a trouvé un gros coffre. Elle l'a emporté et elle est allée le cacher dans une grotte pour l'ouvrir. Madra était très excitée. Elle avait hâte d'ouvrir le coffre. Savez-vous ce qu'elle a trouvé dans le coffre? Un marteau, des lettres, des livres, une hache, un couteau, des gants, des coquillages et une boussole. Madra était très, très déçue. Leçon 9, activité 2. Ra, re, ri, ro, ru. Ra, re, ri, ro, ru. Larry le requin nager dans son bain. Je n'ai jamais vu rire rire en rue. Larry le requin nager dans son bain. Mais j'ai entendu rire rire en rue. Thierry le marsouin rire dans son coin. Et j'ai entendu rire rire en rue. Thierry le marsouin siffler ce refrain. Rire rire en rue, as-tu déjà vu Larry le requin nager dans son bain? Je n'ai jamais vu rire rire en rue. Larry le requin nager dans son bain. Leçon 11, activité 1. Le message de Berlingot. C'est une belle journée de printemps. Acaluc et Aputic sont à la pêche avec leur grand-mère. Tout à coup, Aputic s'écrie: Acaluc! Acaluc, viens m'aider! Acaluc court vers Aputic pour l'aider à pêcher son poisson. Tu vas attraper un beau poisson, Aputic. Acaluc et Aputic tirent la canne à pêche, mais qu'est-ce qu'ils trouvent? Mais ce n'est pas un poisson, c'est une bouteille. Regarde, Acaluc, il y a quelque chose dans la bouteille. Vite, vite, ouvre la bouteille. Aputic ouvre la bouteille, prend le message et le lit. Bonjour, je m'appelle Berlingot. Je veux connaître d'autres amis. Écrivez-moi. Berlingot, Cirque Colibri. Berlingot? C'est qui Berlingot? Je ne sais pas. Qui pourrait nous dire qui est Berlingot? Leçon 11, activité 3. Les poissons d'aquarium. Le petit poisson s'ennuie, toujours seul, sans compagnie. Il tourne en rond, cherchant d'autres horizons. Les poissons d'aquarium ont une vie bien monotone. Il ne faut pas oublier de bien s'en occuper. Il pense à tous ses frères qui nagent dans les rivières. Il serait tellement content s'il pouvait voir l'océan. Les poissons d'aquarium ont une vie bien monotone. Il ne faut pas oublier de bien s'en occuper. Il rêve aux étoiles de mer, aux poissons extraordinaires qui se glissent entre les coraux et disparaissent au fond de l'eau. Les poissons d'aquarium ont une vie bien monotone. Pourquoi ne pas les laisser nager en liberté? Leçon 12, activité 2. Sauvons la mer. La mer est bleue, la mer est belle. Aujourd'hui, la mer est grise, la mer est sale. Pourquoi? Parce que nous jetons tout, nos déchets, nos saletés dans les rivières qui vont à la mer. La mer est grise, la mer est sale. Ne jetons plus nos déchets, nos saletés dans les rivières. Et à nouveau, la mer sera bleue, la mer sera belle. Enrichissement écoute. Activité 1. Quel beau spectacle! Marco habite à Vancouver, au bord de la mer. Chaque soir, il promène son chien Pico sur la plage. Au bout de la plage, il y a de gros rochers. Son chien Pico s'amuse à courir après les crabes. Un gros crabe pince le nez de Pico. Pico n'aime pas ça. Tout à coup, Marco entend un bruit étrange derrière un gros rocher. Il est intrigué. Il s'approche doucement, sans faire de bruit. Puis, il voit un spectacle extraordinaire. Une sirène danse dans l'eau. Oh, que c'est beau! La sirène sourit à Marco, fait une pirouette et plonge au fond de la mer. Marco est tout songeur. Est-ce un rêve?